Comença a partir d'aquests moments Hola la música amb Rafael Corbí, música en francès que ens aporta Caf Malvar. Per començar el nostre programa amb una cançó dedicada a la música, Donne-moi la musique, és el títol d'aquesta cançó que avui us portem. Benvinguts, benvingudes. Donne-moi la musique, que je lâche une bonne vibe avec une bonne mélodie pour tous les oubliés du système. Parce que c'est la crise, tout le monde chacun pour soi. Oh, dites-moi où l'on va. Il faut qu'on change tout ça pour nos enfants de demain. Il faut qu'on change tout ça. Tout seul on n'y arrivera pas, mais ensemble on y arrivera. Il fait longtemps que nous l'a osé. Osez pas avec notre langage, notre causer. Monter à finir rodé. Le temps pour nous perdre, les compter. Il faut tout l'esprit d'éclair et bien fondé. Les liens pour nous libérer, reste pas bloqué. Pour avoir le peuple fier, il faut les miens qui errent. L'espoir, donne-moi la musique. Donne-moi. Que je lâche une bonne vibe avec une bonne mélodie pour tous les oubliés du système. Parce que c'est la crise, tout le monde chacun pour soi. Oh, dites-moi où l'on va. Il faut qu'on change tout ça pour nos enfants de demain. Il faut qu'on change tout ça. Choix, il faut les bons. Tous les jours, il faut couler dans vos convictions. Man, fais attention. Gère bien ton mission. Suis bien le cours de la vie. En place, t'as un système d'irrigation. D'irrigation. Les naveuses, mais sa mauvaise direction. Ouais, yeah. La main dans la main, rien comme un arrivé. Passer les détails, bosse avec ceux qui veulent. Fais confiance en la nena pour nous étudier. Mais dirait même plus une nena pour nous éduquer. La septième écoutez, zom, femme, tout y veut. Hey boy, you know, très bien c'est coup ça donné. La demande pour espérer, famille, familier. Donne-moi la musique, donc. Que je lâche une bonne vibe avec une bonne mélodie pour tous les oubliés du système. Parce que c'est la crise, tout le monde chacun pour soi. Oh, dites-moi où l'on va. Il faut qu'on change tout ça pour nos enfants de demain. Il faut qu'on change tout ça. Tout seul on n'y arrivera pas, mais ensemble on y arrivera. Bona, bona, bona. La peça, bueno, perquè li agradi, no? Perquè qui no li agradi aquest estil, doncs no serà el que més li agrada. Celine Dion, una de les grans intèrprets de sempre, la cantant quebequesa, que ens aporta música en anglès, però sobretot també amb el seu idioma natal, que és el francès. Ens aporta una cançó ara mateix que ens han demanat a través del correu electrònic amb el nostre programa, una cançó d'un àlbum que ja havien repassat en el seu moment i hi havia multitud de cançons. El 2005 es va publicar aquell On Nishin Jepa, que tenia aquell d'amòria, d'amistat, cançons com Edgidems Encore o moltes d'altres, que a mi, és que, de fet, jo tinc una especial debilitat moltíssima per la Celine Dion. A mi m'encanta la seva música, canti en l'idioma que canti. Aquesta és Je ne veux pas, és la cançó que us portem en el programa d'avui. Déjà novembre.

connu, je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore, quand l'océan n'est pas encore un paysage. Ne pleure pas, petite fille. Il y a des voix sur les étoiles. Oh mon enfant, mon inconnu, il y a balle loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et les grands bals sur les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. Així hem escoltat a Michel Polnareff amb aquesta, una de les seves cançons que avui recordàvem des del 2003. Us la portàvem a la Music. Un dels temes de 2021 que ens agradaria escoltar és aquest de Clara Luciani. Així s'anomena ella, i la resta és el títol d'aquesta cançó que us portem a terme. Sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je te sens au loin, chasser mon souvenir. Palpite encore, qui va bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur me le rend moins cruel. Reste, je te le laisse. te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Aquest és el darrer single de la Clara, una excel·lent cançó de la Clara Luciani. Nosaltres la vam escoltar en el seu moment, amb el nostre programa, quan em va extreure el disc Santa Victòria el 2018. Estava previst a mitjans de 2021 el seu àlbum Nonacor, senzillament. Hi ha un disc, però d'ella, que de fet era el EP de presentació que va publicar el 2017, que es deia Monstre d'Amor, que no havíem escoltat, i per tant avui seria una bona oportunitat per almenys escoltar el parell de cançons que van sortir com a senzills en el seu moment, el 2017, i que no van arribar a entrar en cap de les llistes en les quals ella ha triomfat habitualment, França, Valònia o Romania, entre altres països. Escoltem les dues cançons d'aquest primer EP de la Clara del 2017. Je suis la pleureuse italienne, recroquevillée sous le chêne d'un cimetière imaginaire où l'on n'enterre guère que de l'air. Oh, pourvu qu'une guerre explose, pourvu qu'un tyran s'interpose, j'aime tant pleurer avec mes frères, oui c'est très beau de les voir faire. C'est ainsi qu'il se sent vivant. Ma main gantée tient le mouchoir, tout mouillé de mon désespoir. C'est moi assise dans ton ombre, comme la nuit qui vient est sombre. De la seva manera d'interpretar aquesta cantant amb ascendència que ens arribava des de Còrsega. És Clara Luciani, hem escoltat el 2017, ha canviat una mica amb la seva manera de fer música, però la veritat, pot anar a més. Hi ha una cançó que ara escoltarem, disculpeu-me, els que sigueu molt puristes, però és meitat en anglès, meitat en francès, i és una col·laboració de Dua Lipa, aquesta gran intèrpret, amb la Angèle. És la cantant, crec, ara no ho he mirat, però penso que és belga, que sí? No m'equivoco pas. Des del Futur Nostàlgia de Moonlight Edition de la Dua Lipa hi trobem aquest Fever. A veure què us sembla. Before you came around I was doing just fine. Usually I don't pay no mind. And when it came down I was looking in your eyes. Suddenly, I can feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I tremble. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Ça se voit.

Doncs aquesta era la música d'Annick and Jen, amb aquestes tres cançons i una quarta, Shake My Tank, que escoltarem, ja arribant gairebé al final del programa d'avui. moi que tu seras là tous les matins pour moi, à jamais pour toujours, dis-le-moi chaque jour. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus de malheur. Je ne veux plus avoir peur. Je acabem, doncs, per aquesta setmana amb el nostre programa una darrera cançó que ens arribarà i serà des del 1998 a càrrec de Dani Brillant. Espero que us encanti aquesta cançó. C'est ça qui est bon, se'ns diu aquesta cançó. Fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure. Une demoiselle elle marche dans la rue, wow. À ton cœur chancelle, wow. Ouais, ses jambes sont nues. Et tu te dis j'y vais, et tu n'y vas pas. Mais l'instant d'après, ouais, tu le regretteras. Ouais, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça qui est bon. Tu aimes une fille, mais elle ne veut pas t'offrir tout de suite ses plus grandes joies. Et elle te dit d'attendre pour que tu mérites. Mais ton désir augmente, oh, et ton cœur bat plus vite. Ouais, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça qui est bon. Ouais, oui, j'ai raison. Plus, mais elle, loin de son cœur, ta vie est sans joie. Tu lui envoies des fleurs, ouais, tout recommencera. Ouais, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça qui est bon. Ouais,